Chapitre 18e. Mathilde, reine de Danemark. 1. La reine, le roi. Mathilde Caroline, reine de Danemark, est célèbre autant par ses malheurs que par ses galanteries. Elle était le dernier enfant de Frédéric Louis, prince de Galles, père de Georges III, roi d'Angleterre. Elle était née le 11 juillet 1751, 4 mois après la mort de son père. C'était une princesse aussi charmante par son esprit que par sa beauté. On a déjà remarqué sans doute que nous ne rencontrons guère de princesses galantes laides et sans esprit, d'où il ne faut pas conclure que la laideur et la sottise sont nécessaires à la vertu. À l'âge de 15 ans, en 1766, elle épousa son cousin germain, Christian VII, roi de Danemark, et se fit tout d'abord aimer à Copenhague par sa grâce enjouée, son bon cœur et ses manières affables. Le roi seul parut insensible. D'une nature lourde et flegmatique, Christian se sentit tout d'abord inférieur à sa jeune femme. Il ne vit dans son mariage qu'un devoir ajouté à tant d'autres, et il ne songea qu'à l'éviter. Derrière ce mari de glace se trouvait la reine-mère, Julie-Marie, qui fit à Mathilde l'accueil d'une belle-mère qui ne veut point se donner la peine de déguiser ses sentiments. Ce mariage contrariait ses vœux les plus chers. Christian était faible, d'une santé délicate. Elle avait espéré qu'il ne se marierait jamais et laisserait la couronne à Frédéric, seul enfant qu'elle eut de son second mariage avec Frédéric V. Cette femme, d'un esprit étroit et ambitieux, poursuivit de sa haine la jeune Mathilde dès son arrivée à Copenhague. Ce fut elle, probablement, qui inspira à Christian cette charmante idée de quitter la cour quelques jours après la naissance de son premier enfant, le prince Frédéric, pour faire un voyage en France et en Angleterre qui se prolongea 6 mois. Pendant ce temps, la reine-mère, qui aimait le pouvoir, gouverna, et Mathilde se retira avec son enfant au château de Frédéricborg. Dans cette retraite, elle donnait son temps à ses devoirs de mère, à l'étude de la langue danoise et à des œuvres de charité. Sa conduite était exemplaire, elle ne recevait personne et n'éveillait chez les habitants de la contrée que des sentiments d'admiration ou de reconnaissance. Elle méditait cependant une conquête à faire, celle de son mari. Elle se reprochait, dans sa candeur, de n'avoir pas su lui plaire, et l'enfant lui faisait aimer le père. Mais Christian, de retour dans sa capitale, ne montra que des sentiments de lassitude et d'ennui. Il était de ceux qui voyagent sans voir, sans curiosité, et qui de leurs excursions ne rapportent que la fatigue. Il rentra tel qu'il était à son départ. Ni son cœur, ni son esprit n'avaient pris l'air. Il se renferma dans l'incurie à laquelle il demandait le bien-être, négligea sa jeune femme, et abandonna le gouvernement à la reine-mère et au comte de Bernstorff et de Holk. Holk l'avait accompagné dans ses voyages avec le docteur Struensee. C'étaient 2 hommes habiles, le dernier surtout, dont nous aurons à parler longuement. Mais Holk, qui au départ était le favori du roi, au retour semblait avoir perdu en influence et être distancé par Struensee. La reine crut le remarquer. Elle étudiait les sentiments du roi, afin d'éviter tout désaccord et de regagner ou de gagner une affection qui lui était si précieuse. Cette froideur marquée de Christian était aussi pour elle un sujet d'humiliation. Quoi, jeune, belle, d'un esprit distingué, elle avait tout pour lui plaire et était dédaignée. Aussi, comme il arrive souvent, ne pouvant arriver directement jusqu'à son cœur, elle le cherchait dans les objets de ses goûts ou de ses affections et le recherchait dans ses amis. Struensee ne lui plaisait point, elle sut vaincre ses préventions. Elle lui trouva bientôt un esprit pénétrant et nourri de solides études, sous ses dehors de légèreté, qui était la coquetterie charmante des hommes sérieux du XVIIIe siècle. Elle voulut se l'attacher. Struensee le devina et lui épargna de faire les premiers pas. Mais quel motif la poussait vers lui? Un peu d'orgueil l'empêcha d'y voir clair, et il dut laisser la jeune reine lui expliquer qu'elle attendait de lui de ramener le roi à la tendresse conjugale. « Tant que le roi sera ici, répondit-il, entre de Bernstorff et Marie-Julie, les vœux de votre majesté resteront stériles. » Il faut enlever le roi. Prétextons un voyage. Débarrassons-le de ses ennemis et des vôtres. Emmenons-le. Il chercha un instant. Emmenons-le en Holstein, par exemple. Rapprochez de vous, il sera le plus heureux des rois. Mathilde, ainsi encouragée, proposa le voyage. Elle le demanda comme une faveur. Christian en référa au ministre, qui d'une voix unanime repoussèrent le projet. Struensee intervint et l'emporta. et Mathilde victorieuse partit avec Christian, le docteur et son enfant pour le Holstein. 2. Struensee. Jean-Frédéric Struensee était né en Italie en 1737 d'une famille bourgeoise et aisée. Ses parents étaient dévots et intolérants, il fut voltairien, et de bonne heure allia à l'étude de la médecine l'étude des philosophes matérialistes français. Helvétius surtout eut sur lui un grand empire, mais ce doctrinaire de l'égoïsme avait tout ce qu'il faut pour séduire, un excellent cœur, il n'était pas humanitaire, et une probité naturelle qui était la clarté de son style. Cependant, Helvétius eut de fâcheux disciples et Struensee fut de ceux-là. Il interpréta dans un sens trop étroit les doctrines du maître. Le même malheur arriva aux disciples d'Épicure. Il sortit de ses études avec une théorie de vie de plaisir où il engloutit son patrimoine. Criblé de dettes et tout jeune encore, il songea pour se refaire à aller aux Indes. Puis, en 1763, il se fit écrivain. Mais il eut le bon esprit de ne pas s'attarder à ce métier ingrat. « Je dépose la plume, » dit-il à ses amis, « elle ne mène pas à la richesse. » Et il chercha autour de lui les personnages influents qui pourraient lui servir d'échelon à son ascension vers la fortune. Le premier qu'il découvrit fut le comte Brandt. Le second, Madame de Bercancien, femme de l'ancien grand maître de la maison de Frédéric V. Le troisième fut le comte de Rantzau. Madame de Bercancien l'introduisit à la cour, et par sa protection et celle du comte de Rantzau, il fut nommé en 1768 médecin du roi et accompagna Christian dans ses voyages en France et en Angleterre. Ambitieux, intelligent et audacieux, tel était Struensee au moral. Au physique, c'était un homme d'excellente mine, d'une jolie figure et de façon très distinguée. Dans le voyage en Holstein, qui fut tout intime, c'est-à-dire sans trop de compagnie, de représentation et de discours de bourgmestre, Struensee s'attacha à démolir le gouvernement de Marie-Julie. Il y procéda avec adresse, à petits coups, sans intention apparente, évitant de se donner l'air d'un homme politique, affectant au contraire de n'être qu'un savant et un homme de plaisir. Christian crut de bonne foi penser de lui-même tout ce que son favori lui donnait à croire, et voir de ses propres yeux sous les lunettes que lui prêtait le docteur. Il reconnut ainsi l'incapacité de plusieurs ministres qu'il destitua. Mais chez Struensee, le politique appelait à son aide le docteur. La variole faisait alors de grands ravages, et la découverte de Jenner d'immenses progrès. Le docteur Struensee proposa au roi de vacciner son enfant, le prince Frédéric. L'inoculation, la fièvre qui l'accompagna, nécessitèrent les soins du médecin et tinrent la mère, sinon le père, dans une inquiétude de tous les instants. Mathilde adorait son enfant, elle ne le quittait pas, et le docteur se trouva naturellement en tête-à-tête fréquent et prolongé avec elle. « Quoi de plus simple, dira-t-on peut-être ? » Le docteur, comme l'artiste en présence du modèle, comme le prêtre avec sa pénitente, ne voit que la mission qu'il doit remplir. La malade pour lui n'est qu'un sujet. C'est possible, mais la garde malade. C'est d'ordinaire une vieille qui prise. Et si la jeune, jolie, charmante, de tout point. Pour être diplômée par la faculté, on n'en est pas moins homme. Puis, épouse mal mariée, délaissée de son mari, les nerfs ébranlés par le chagrin, jeune, belle, quoique reine, on n'en est pas moins femme. Struensee, en voyant les larmes dans les yeux de Mathilde, avait le devoir de lui donner quelques paroles de consolation. Sans doute la douleur de cette jeune femme le toucha, lui inspira de ces paroles qui vont à l'âme, et il dut lui en exprimer sa gratitude. Il s'attacha à l'enfant, qui rendit à ses caresses les caresses mouillées encore de larmes de sa mère. Autour de ce berceau, une même délicatesse de sentiment, une communauté d'affection les rapprocha l'un de l'autre. On ne demande pas ces titres de noblesse à qui vient pleurer avec nous. Ce pauvre enfant était d'une santé débile. La mère tremblait pour ses jours. Struensee lui promit de lui donner des forces, de lui donner la vie. Comment lui fit-il cette promesse, que d'ailleurs il a tenue ? Est-il si difficile de reconstruire par la pensée cette scène qui fut sans témoin ? Rien ne serait plus facile que de la traduire ici d'après mon sentiment, mais je vous cède la place et vous prie, lecteur, de l'imaginer vous-même. Vous les voyez bien tous les deux, comme moi, près de ce berceau. Ils se sont penchés vers lui presque en même temps, et les cheveux de la reine allaient toucher au vol ceux de Struensee. La pâleur du cher bébé a effrayé Mathilde. Elle s'est tournée vers le docteur et, sans y prendre garde, lui a saisi les mains. son émotion a été partagée. Mais il fallait retirer ses mains sans affectation, sans laisser rien paraître du trouble qui s'était emparé de lui. Bientôt, ce fut elle qui comprit le danger de cet élan de familiarité, mais elle en parut confuse. Elle se retira lentement dans les mille vulgarités de la conversation où elle comptait trouver un refuge. Mais en homme d'esprit, Struensee la suivait de propos en propos sans perdre de terrain. « Ne vous dérobez point, semblait-il dire. Qui peut vous comprendre et vous admirer, sinon moi? À qui êtes-vous jamais apparue si belle et si touchante? Vous m'avez ouvert votre âme. Laissez-moi y lire. Ne me la fermez plus. » Que lui dit-il encore? « Vous êtes sans conseil, sans appui. Je vous soutiendrai contre vos ennemis. Je serai votre ami. Votre enfant a besoin d'un père. Je lui en servirai. » Dans d'autres conversations, il se révéla plus complètement à elle. Il l'initia aux affaires publiques, lui montra la situation faite au pays par la politique d'une noblesse arriérée, et lui exposa les réformes à accomplir, les desseins qu'il avait formés pour la grandeur du Danemark. Après l'avoir attendri, il l'éblouit. Et comme la Marie de Neuburg de Victor Hugo, elle put s'écrier « D'abord je t'ai vu bon, et puis je t'ai vu grand. Mon Dieu, c'est à cela qu'une femme se prend. » Cependant, tout en se faisant aimer de la reine, Struensee ne négligeait point le roi. Sa faveur s'était étendue d'une simple amitié à une confiance absolue. Sa conversation, solide et brillante tout à la fois, le patriotisme de ses vues, en avait imposé à Christian VII, et le médecin, de simple confident, s'était élevé au poste de premier ministre. Le roi, avant son retour à Copenhague, nomma Struensee son lecteur, puis peu après l'appela au conseil privé. Cette élévation fut le signal de la chute du parti de Marie-Julie. La plupart des ministres furent remplacés, et en 1770, le cabinet était renouvelé complètement. Brandt ne fut pas oublié. Il obtint la place de directeur des spectacles de la cour, et Holck, qui l'occupait, fut disgracié, ainsi que sa sœur et ses amis. Struensee fut anobli et devint comte. On créa pour lui un titre nouveau, celui de ministre secret du cabinet, titre qui lui conférait un pouvoir sans bornes. Ce fut toute une révolution. Struensee, animé des intentions les meilleures, sans tenir compte des révoltes de l'esprit de routine, tenta les améliorations les plus neuves et les plus audacieuses. Mais ceux qui étaient assez instruits et assez intelligents pour le comprendre avaient leurs intérêts dans le camp opposé. On sait que l'opposition a rencontré chez nous un des plus sages et des plus honnêtes de nos ministres, le grand Turgot. Libéral, opposé à la domination du clergé, il eut tout d'abord contre lui ce parti redoutable. Anobli de la veille et opposé à la noblesse, il n'eut pas l'habileté de certains ménagements que donne la longue pratique des affaires, et se fit de la noblesse une ennemie acharnée. Le peuple ne pouvait le comprendre. Une opposition se forma au nom de la morale, et lui fit une guerre de brochures diffamatoires et de pamphlets contre lesquels il était presque désarmé par ses principes de tolérance et de liberté. On raconta sa jeunesse, ses étourderies d'étudiant, on calomnia ses principes, on osa même incriminer ses relations avec la reine. Alors il sévit, mais déjà son pouvoir était miné, et Marie-Julie avait fait passer dans son camp tout un peuple. À des soulèvements partiels, à des émeutes, il répondit par des concessions. Ces concessions trahirent son défaut d'énergie ou sa faiblesse. Son autorité ne fut plus soutenue par les hauts fonctionnaires qui dépendaient de lui et qui commencèrent à se tourner vers l'ancien parti, la reine douairière, le prince Frédéric et ce comte de Rantzau que Struensee ne comptait plus au nombre de ses amis. Quant au roi Christian, par caractère, il restait neutre. La chute du favori était imminente. Enfin, dans sa politique étrangère, il ne s'était pas montré moins révolutionnaire. Il avait renoué les relations anciennes du Danemark avec la Suède, au mépris de l'alliance russe, et recherché l'alliance française. Était-ce un tort? Non, sans doute. Mais ayant tout ébranlé autour de lui, il se trouvait sans appui à la veille d'une crise terrible. 3. Une révolution de palais. Dans les premiers jours de janvier 1772, la cour revint de la campagne à Copenhague. Dans la nuit du 16 au 17, le roi donna un bal masqué. Ce bal servit de rendez-vous aux conspirateurs, comme le bal fameux de Gustave III. Le ministre et la reine y parurent, mais on n'attenta point à leur jour, on dissimula même ses projets, si bien qu'ils se retirèrent sans aucune inquiétude. Vers la fin de la nuit, le colonel Kohler, qui appartenait au complot et dont le régiment montait la garde au château ce jour-là, pénétra dans la chambre du roi. Christian dormait. Au bruit, il s'éveilla en sursaut, effrayé, mais le comte le rassura promptement en lui disant que sa personne était désormais à l'abri de tout attentat. « De quel attentat voulez-vous parler ? » demanda-t-il. « Sire, le ministre qui doit son pouvoir à vos bontés et que la reine couvre d'une protection aussi aveugle que coupable, a formé le dessein de vous obliger à renoncer au gouvernement. La reine Douairière et votre noblesse fidèle ont pénétré les desseins des coupables, et je viens supplier votre majesté de signer ces ordres d'arrestation. » Christian, ahuri, et d'ailleurs depuis longtemps indisposé contre Struensee et contre la reine, signa les ordres d'arrestation. Kohler remit à Rantzau celui qui concernait Mathilde. Il était 4 heures du matin, la reine dormait. Arrachée à son sommeil, Mathilde se jeta hors du lit et passa à la hâte un jupon. Elle était encore nu-pied lorsque le comte pénétra dans sa chambre au nom du roi. Le comte alluma lui-même des bougies. Le roi serait-il malade ? Non, madame. Que désire-t-il de moi ? Je suis porteur d'un ordre signé de Sa Majesté dont je vais vous donner lecture. Un ordre ? S'écria Mathilde stupéfaite. Le comte déploya un parchemin et lut l'ordre suivant. Nous, Christian, 7e du nom, par la grâce de Dieu, etc., mandons et ordonnant par les présentes signées de notre main et revêtues de notre sceau, au comte de Rantzau de se rendre chez la reine, notre épouse, et de lui déclarer qu'elle est à se retirer sur l'heure au château de Kronenbourg, où elle demeura sous bonne garde. Quoi ? S'écria Mathilde. Le roi a signé cet ordre ? Oui, madame, et Sa Majesté m'a chargé de son exécution. Mais je ne puis le croire, monsieur. On a surpris la bonne foi du roi. Je veux le voir, je veux lui parler à l'instant. Madame, c'est impossible. Mais il le faut. L'ordre est formel. Je le veux. Le comte de Rantzau s'inclina devant ce pouvoir brisé dont la volonté survivait à la puissance. Madame, j'ai le regret d'être obligé de faire observer à votre majesté qu'elle est prisonnière. Je vous prierai donc de vous préparer à partir sur l'heure pour Kronenbourg. Et si je refuse, votre majesté se résignera et ne me mettra point dans la douloureuse nécessité d'employer la force. Sur ces paroles, le comte salua et se retira dans une chambre voisine. Puis il fit prévenir les dames de service de se rendre près de Mathilde. Cette princesse accepta pour s'habiller les services de ses femmes, mais ne fit aucun préparatif de voyage. Lorsque Rantzau rentra, « Vous allez m'accompagner chez le roi, monsieur le comte, » reprit-elle. Le comte répondit qu'il ne le pouvait sans désobéir aux ordres du roi. « Je ne partirai pas !» dit Mathilde, frémissante et indignée. Rantzau s'approcha d'elle, sombre et menaçant. Elle l'attendit de pied ferme. Il étendit la main, puis la baissa, hésitant. Il ne s'était pas attendu à cette énergique résistance, mais il était résolu à agir. « Je supplie une dernière fois votre majesté de me suivre, » dit-il d'une voix tremblante de colère. Et comme Mathilde demeurait immobile et muette, il osa s'approcher d'elle et la saisir par le bras. Elle poussa un cri et résista. Mais la main qu'il avait saisie ne lâcha point prise. Il fallut que le comte employât la violence, l'entraîna hors de l'appartement et la transporta dans un carrosse qui stationnait à la porte du palais. Dans ce carrosse, un major de dragons avait déjà pris place, l'épée nue à la main. La voiture, fermée par le comte de Rantzau, partit au galop, suivie d'une nombreuse escorte. Pendant le trajet, qui était assez long, Mathilde montra une inébranlable fermeté. Elle ne fit pas entendre une plainte, elle ne versa point une larme. Elle n'adressa qu'une fois la parole à l'officier qui l'accompagnait. « Je ne croyais pas, monsieur, faire connaissance avec vous de cette manière. » Mais arrivé au château de Kronenbourg, les ressorts de son courage se détendirent. Après s'être promenée un instant, silencieuse, dans la chambre qui lui était assignée pour prison, elle se laissa choir sur un fauteuil et se prit à pleurer. Sa douleur était extrême. Pendant 3 jours, elle refusa de prendre aucune nourriture. On ne la rappela à la vie qu'en la suppliant de se conserver pour ses enfants. Struensee fut arrêté en même temps que la reine, ainsi que Brandt, dont le crime était d'être l'ami du ministre. On les jeta dans des cachots infects, comme les derniers misérables. Inutile de dire que la reine Douairière fut chargée, ou plutôt se chargea, de composer un nouveau cabinet, de faire évoquer les fonctionnaires de Struensee, et enfin de nommer une commission d'inquisition pour rechercher les crimes du ministre déchu et de la reine. Après quelques hésitations, cette commission consentit à comprendre Mathilde dans son acte d'accusation. Contre Struensee, elle avait relevé 6 chefs d'accusation. Premièrement, dessein abominable formé contre la personne du roi. Deuxièmement, projet de forcer le roi à renoncer au gouvernement. Troisièmement, de relations coupables avec la reine. Quatrièmement, de mauvaise éducation donnée au prince royal. Cinquièmement, d'avoir usurpé un pouvoir et une autorité sans bornes. Sixièmement, de mauvaise administration des affaires de l'État. Les deux premiers chefs d'accusation étaient si absurdes que l'on n'osa pas les insérer dans le résumé général que le fiscal dressa. Le 25 janvier, Struensee fut interrogé pour la première fois. Sa cause fut séparée de celle de la reine. Le procès s'ouvrit le mois suivant, et l'accusation contre Brandt fut comprise dans la même procédure. L'avocat général Vivet appuya fortement sur l'article 3 les relations coupables de Struensee avec la reine. Il prétendit même que Mathilde avait fait des aveux et qu'il en possédait les preuves signées, mais il ne donna point lecture de ce document. Le défenseur, l'avocat Uldal, ne combattit point ces allégations. Il les appuya même, dans un intérêt qui nous échappe. Il avoua la culpabilité de son client et invoqua sur ce seul point la clémence royale. Les historiens les plus récents, tout en rendant justice aux bonnes intentions du ministre et à ses hautes capacités, prétendent que Struensee, tombé au pouvoir d'ennemis impitoyables, voulut, pour sauver sa tête, compromettre la reine, et que les aveux de Mathilde dont parlait l'accusation n'avaient jamais existé, ou existaient, mais n'avaient pas été librement signés. Ainsi qu'il devait s'y attendre, Struensee et Brandt furent condamnés à la peine de mort, avec les raffinements de barbarie de leur époque, c'est-à-dire avoir la tête tranchée, les membres arrachés du corps et la tête accrochée ensuite au gibet. Le 9 mars, la reine comparut devant quatre commissaires nommés par le roi. On profita des aveux arrachés à Struensee pour la déterminer à avouer elle-même et implorer, comme lui, la clémence du roi. Mais cette femme énergique résista à ses moyens d'intimidation. Elle repoussa l'accusation et tint tête, pendant 3 heures, à ses inquisiteurs. À la fin, épuisée, elle perdit connaissance. Il fallut suspendre le procès. Elle tomba dangereusement malade. Ses médecins l'ayant saignée, ses ennemis en profitèrent pour répandre des bruits calomnieux sur son état. Tant de haine, tant d'acharnement étaient si honteux que l'on redouta de soulever la pitié publique. Alors, pour montrer quelque impartialité, le gouvernement, le 23 mars 1772, forma pour prononcer sur le sort de la reine un consistoire composé de 35 personnes choisies dans les différents ordres de l'État. Afin de donner à ses juges toute liberté morale, ils furent déliés du serment de fidélité. Le ministre anglais usa de toute son influence en faveur de Mathilde. Il laissa d'abord entrevoir que son gouvernement ne désapprouverait point une séparation de corps, mais verrait avec déplaisir prononcer le divorce. Mais l'avocat du roi, après un long plaidoyer, demanda que le mariage fût dissous et que le roi eût la faculté de contracter une nouvelle union. Le défenseur obtint un délai de 10 jours pour préparer sa défense et surtout pour laisser agir les influences diplomatiques. Le consistoire, après plusieurs séances fort longues, s'assembla une dernière fois, le 6 avril 1772, et après une délibération de 5 heures, déclara la reine Mathilde coupable d'adultère et prononça le divorce. Toutefois, elle réserva à Mathilde le titre de reine et les prérogatives qui y sont attachées. Cet arrêt fut soumis au roi, qui l'approuva le 10 avril. Il fut le jour suivant signifié à Mathilde par le chef de la justice en présence du gouverneur de Cronenbourg. Le ministre anglais demanda alors que la reine fût traitée avec les égards dus à sa naissance et ne fût plus prisonnière. Le 28 avril, Struensee et Brandt subirent les horribles supplices auxquels ils avaient été condamnés. Ils avaient eu tort de compter sur la clémence d'un roi sans caractère et sans cœur, et chose triste, personne ne protesta contre cet acte de vengeance. Après l'exécution de ces deux infortunés, on adoucit les rigueurs de la captivité de Mathilde. On ne lui rendit pas encore la liberté, mais on agrandit sa prison. On lui permit de se promener dans le château et sur les remparts. Enfin, elle reçut la visite du ministre d'Angleterre, qui, de la part de son roi et de celle du roi Christian, lui offrit une retraite honorable dans le Hanovre. Mathilde s'embarqua à Elsener. Avant de partir, elle demanda voir ses deux enfants. On sait qu'elle les adorait, et se séparer d'eux fut pour elle une suprême douleur. En juin, elle débarqua à Stade, avec les honneurs dus à son titre et à sa naissance. Après un court séjour à Gordes, elle se fixa à Zell. Elle consacra sa vie à l'étude et à des œuvres de charité. Elle était très aimée dans le pays. Elle mourut le 11 mai 1775 d'une scarlatine.